la danseuse de Venise, de la duchesse d'Abrantès. Un beau soir avait succédé à un beau jour. Il était fête à Venise. Les gondoles circulaient rapidement sur le grand canal. Les unes passaient et repassaient sous le Rialto. D'autres quittaient le Sestiero di San Marco pour prendre le chemin de la mer, afin d'aller respirer l'Aria Marina sous les ombrages du jardin public. Une foule de péotes, de gondoles, glissait avec la vitesse d'une flèche sur ces mêmes eaux qui jadis baignaient les palais de la puissante Venise et qui maintenant ne réfléchissent plus que les débris endormis que la cupidité a bien voulu laisser à l'Adriatique. Cependant, dans cette belle soirée d'une fête d'été, les gondoliers retrouvaient encore des chansons. Leurs barcaroles frappaient l'écho du Lido et revenaient au Ridotto qui lui-même n'était plus muet. Il semblait que pour un jour, l'esclavage et ses ailes de fer ne pesaient plus sur la ville magique, et dans ses heures de délices, Venise était encore l'heureuse Venise. Sous les arcades éblouissantes de lumière de la place Saint-Marc, circulaient des groupes nombreux de femmes, presque toutes jeunes et jolies, portant à la main le bouquet de roses cher aux Vénitiennes. Les unes avaient sur leur tête, à l'expression presque toute corrigienne, l'antique voile noire chantée par les poètes et rival gracieux de la mantille espagnole. D'autres, vêtues avec l'élégance française, offraient l'ensemble d'une belle statue grecque, animée de la bonne grâce parisienne. Presque toutes étaient suivies d'une foule nombreuse, car en ce pays encore, les femmes conservent une ombre de pouvoir. Partout ailleurs, elles ne sont plus que des souveraines détrônées, des reines sans royaume, bien qu'elles soient cependant jeunes et belles. Mais en Italie, en Espagne, là où, malgré le sommeil apparent des hommes, la poésie et les beaux-arts ont toujours conservé leur pénate, on a senti, on a compris, que la femme pouvait seule entretenir le feu sacré. Venise fut non seulement longtemps une ville d'amour et de gloire, mais bien aussi la plus heureuse des cités. Ce qu'il y avait de monstrueux dans son gouvernement despotique était ignoré de ses habitants bien plus que du reste de l'Europe. Et souvent il arrivait qu'un Vénitien de Sestiero Castello apprenait par une lettre lointaine un acte de tyrannie commis par le Conseil des Dix. « Amusez-vous, leur disait-on, riez, chantez, faites l'amour. Seulement ne vous mêlez pas de politique. Contentez-vous d'être heureux, et votre nation s'assoira parmi les grandes. » Et cela fut. Je ne dis pas cela pour donner raison au gouvernement despotique. Je les ai en aversion. Mais enfin, je parle de Venise, et il faut bien raconter la vérité. Nul peuple n'était plus heureux que les Vénitiens, et ils l'étaient d'autant plus qu'ils n'opposaient aucune résistance à la volonté de ceux qui les gouvernaient. Dociles à la loi, ils chantaient, faisaient l'amour, tout en voguant doucement sur les vertes eaux des lagunes, dans de gracieuses et légères gondoles, couchées sur de moelleux coussins, à côté de leur maîtresse, et murmurant les beaux vers de l'Arioste et du Tasse. Puis ils quittaient la barque rêveuse, abordaient à Saint-Marc, allaient au casino, au Ridotto, et demeuraient là, entourés de parfums et de fleurs, de rafraîchissements exquis, jusqu'à l'heure où s'ouvrait la Fenice. Alors sonnait un nouvel appel au plaisir, car les Vénitiens sont passionnés pour ce genre de divertissement. La musique et la danse sont pour eux l'objet d'un culte. L'opéra étant fini, le noble patricien de Venise, comme son plus humble client, retournait au casino, soupait, jouait. Puis, lorsque le jour teignait les eaux de l'Adriatique de pourpre et d'or, il se retirait dans son palais pour y dormir pendant la chaleur du jour et recommençait le soir cette existence toute de joie, d'amour et d'harmonie. Je ne prétends pas vous dire que Venise soit une veuve entièrement déshéritée. Elle a toujours ses palais, ses magnifiques églises, ses environs ravissants, cette Brenta au verdoyant rivage et surtout son magique univers. Venise est seule dans le monde, elle est sa création. Cette conquête sur les éléments, faite par la main de l'homme, lui donne non seulement un charme spécial, mais encore une grandeur digne et noble devant laquelle il faut s'incliner. C'est du moins la pensée de toute âme généreuse. Comment n'a-t-elle pas arrêté les mains spoliatrices qui l'ont ainsi flétrie? Mais ce que l'esclavage n'a pu comprimer, c'est cet amour, cette frénésie même avec laquelle Venise accueille encore aujourd'hui tout ce qui flatte sa volonté de plaisir et de fête. Les voûtes de la Fenice retentissent, comme aux jours les plus joyeux de son bonheur, du bruit des applaudissements d'un parterre idolâtre, lorsqu'une voix harmonieuse redit les beaux chants de l'immortel Rossini, ou bien lorsqu'une danseuse au talent remarquable vient en faire jouir Venise. Le jour de la fête dont je viens de parler, il y avait une première représentation au théâtre de la Fenice. C'était le ballet de Paul et Virginie. Il y avait alors à Venise une jeune fille, ravissante de beauté et d'esprit, possédant tous les dons que la nature peut prodiguer, et joignant à ses avantages ceux du plus beau talent que la ville de Venise eut de longtemps applaudi. Cette jeune fille était danseuse, c'était la Zerbi. Dire qu'elle était aimée à Venise serait une expression qui ne rendrait pas le sentiment avec lequel elle était toujours accueillie dès qu'elle paraissait en public. C'était une adoration, un délire. Les applaudissements les plus prolongés, des couronnes, des verres, une sorte d'ovation enfin terminait toujours la représentation dans laquelle elle paraissait. Reconnaissante de cette affection dont on payait son talent, la Zerbi s'attacha également à Venise et se consacra entièrement au théâtre de la Fenice. Elle avait tous les jours chez elle « conversazione » et les hommes les plus distingués de Venise tenaient à honneur d'y être présentés. Le jour de la première représentation de Paul et Virginie, la Zerbi fit une longue promenade avant de se rendre au théâtre. Couchée sur les moelleux coussins de sa gondole, elle paraissait soucieuse et gardait le silence au milieu du cercle d'admirateurs qui l'entouraient et dont plusieurs l'avaient rejoint dans sa promenade. Parmi eux, il y en avait dont l'amour amusait la Zerbi. Quelquefois aussi cet amour l'ennuyait, et ce jour-là elle se trouvait en disposition de gronder. Souvent elle entr'ouvrait le rideau de sa gondole et semblait regarder au loin. Mais bientôt elle refermait la draperie, retombait sur ses coussins, et demeurait de nouveau silencieuse, tandis que la barque rapide glissait sur la lagune. « À Saint-Marc, » dit-elle tout à coup à ses rameurs, puis elle reprit sa première attitude. « Tu n'es pas de belle humeur aujourd'hui, Zerbinetta ?» lui dit une de ses compagnes qui était avec elle. Zerbi ne répondit rien. « Zerbi, Carina, qu'as-tu donc ? Est-ce que tu répètes ton rôle ?»« Cela ne peut pas aller. Nous n'avons ici ni Paul ni le comte. » Zerbi, cette fois, tourna la tête et regarda Annunciata avec son grand œil noir dont la paupière était mouillée de larmes. La pauvre Annunciata pleura tout aussitôt et, prenant la main de Zerbi, elle lui dit avec cette bonté de cœur, cette bonté naïve qui est particulière aux jeunes Italiennes, « Mon Dieu, est-il arrivé quelque malheur ?» Zerbi secoua la tête, mais toujours sans répondre et cachant son visage dans son mouchoir, elle sanglota. Annunciata ne la questionna plus, seulement son regard interrogea deux nobles Vénitiens qui étaient avec elle dans la gondole. Tous deux répondirent négativement. Dans ce moment, la gondole touchait à la piazzetta. Zerbi, après avoir essuyé ses yeux, sourit au comte Grimani, qui lui présentait la main, et s'élança sur le rivage. À peine fut-elle reconnue que la foule se pressa autour d'elle, et sa marche jusqu'au théâtre fut une sorte de triomphe. Mais celle qui en était l'objet paraissait désirer un autre hommage, et ses yeux, continuellement errants, demandaient un ami absent. Cependant, cette tristesse, qui l'accablait dans sa gondole, se dissipait par degrés à mesure qu'elle avançait vers le théâtre, et lorsqu'enfin elle y arriva, sa jolie figure avait repris tout son charme, sa tête se releva, son regard devint presque radieux, et lorsqu'elle entra dans la Fenice, elle avait de la ressemblance avec la Terpsichore qu'on voit sur sa façade. Mais quand elle fut seule dans sa loge, n'ayant auprès d'elle que sa femme de chambre qui tournait un madras autour de sa tête, des larmes coulèrent de nouveau de ses yeux. Où peut-il être allé ? Dit-elle en frappant de son petit pied les planches mal jointes de son cabinet de toilette. Ah mon Dieu, que c'est sot d'être amoureuse ! Et elle pleura plus fort. Dans ce moment, on frappa deux petits coups à la porte de la loge. La femme de chambre alla ouvrir, mais Zerbi la repoussa, et en un seul bond, elle y fut elle-même. Ah, vous voilà donc, monsieur ! Dit-elle à un jeune homme qui entra sans demander permission et lui baisa la main avec le même respect qu'il aurait mis à baiser celle de l'impératrice d'Autriche. Et d'où venez-vous après avoir passé la journée sans me voir ? Mais vous aurez été où vous voudrez, cela m'ennuie de gronder. D'ailleurs vous voilà, et je suis contente. Car vous m'aimez bien, n'est-ce pas, mon ami ? Elle lui tendit ses deux petites mains en souriant avec une grâce toute charmante. Le comte Hemani était le neveu du dernier doge. Depuis que la révolution démocratique avait renversé les anciennes lois de la République de Venise, il avait éprouvé le besoin de violentes distractions pour éloigner de lui un chagrin profond. Le malheur de sa patrie, l'abaissement de sa famille, lui firent une impression terrible qui dut être combattue par des moyens également extrêmes. Il se livra à des plaisirs bruyants et ruineux, il joua, et ce défaut, joint à une excessive prodigalité, eut bientôt dérangé sa fortune, quelque immense qu'elle fût d'ailleurs. C'est alors que la Zerbi arriva à Venise. Il la vit, comme tous ses compatriotes, il l'admira, et en devint comme eux passionnément épris. Plus heureux que ses rivaux, il obtint la préférence et fut aimé. Mais il avait souvent de vives altercations avec Zerbi, qui prétendait le guérir de sa funeste passion du jeu, et qui se désespérait en voyant que, loin de diminuer, elle semblait augmenter. Lorsqu'il entra dans la loge de la jeune danseuse, elle arrêta sur lui ses deux beaux grands yeux noirs, et son regard semblait l'interroger. Le comte détourna la tête en rougissant, quoiqu'il eût voulu sourire. Ses cheveux étaient en désordre, ses vêtements négligés, il était pâle et ses traits altérés. « Hemani, lui dit la Zerbi, vous avez joué ?»« Sans doute, répondit le comte. Vous savez bien que je ne passe jamais une journée sans jouer, comme je ne la passe jamais sans vous voir. » Voilà une belle comparaison que vous faites là, dit-elle avec humeur. Je vous prie de ne pas me mettre sur la même ligne que vos cartes et vos dés. Et combien avez-vous perdu ? Rien, car ce n'est rien que 25 ducats. Mais cette partie m'a ennuyé. J'ai joué avec un officier français auquel j'ai promis au reste de vous le présenter. S'il est joueur, je n'en veux pas, dit Zerbi, d'un ton boudeur. Hemani, promets-moi donc de ne plus jouer. Tu sais bien, ma pauvre Zerbinetta, que je ne puis te faire ce serment-là. Et certes, si tu ne m'as pas guéri, il faut que je sois inguérissable. Dans cet instant, l'orchestre se fit entendre et Paul vint chercher Virginie. Le comte de Hemani fut se placer dans sa loge qui était sur le théâtre, car jamais il ne manquait d'assister à une représentation dans laquelle la Zerbi devait paraître. C'était la première fois qu'elle jouait dans ce ballet de Paul et Virginie. Le rôle lui plaisait, il l'avait étudié avec un soin particulier. Le succès récompensa ses soins. Jamais l'enthousiasme des Vénitiennes n'avait été porté à ce degré d'exaltation. C'était un délire. Les applaudissements se prolongeaient même après qu'elle avait quitté la scène et qu'elle était rentrée dans la coulisse, au point de gêner l'actrice qui la remplaçait. Mais lorsque la dernière scène fut jouée, lorsque la belle toile qui représente la danse chez Alcinous fut retombée entre Zerbi et ses admirateurs, alors on put juger de ce qu'elle inspirait. Les cris qui la rappelaient faisaient trembler la salle. On leva le rideau. Elle parut conduite par l'acteur qui remplissait le rôle de Paul. Autour d'elle tombaient des gerbes de fleurs, des couronnes. Elle en était presque accablée. « Bravo, bravo, Zerbi, bravo !» Et la charmante fille s'inclinait si gracieusement d'un air si touché. « Bravo, Zerbi, Gloria di Venezia !» cria une voix. Et une couronne de laurier de rose tomba à ses pieds. « Mets la couronne, Zerbi, mets la couronne » criait-on de toutes parts. Le jeune danseur la lui posa sur la tête, malgré sa résistance. Alors la salle retentit d'une salve d'applaudissements. Zerbi, profondément ému, salua de nouveau. Mais en voulant adresser une seule parole de gratitude à cet auditoire qui semblait pour elle n'être composé que d'amis ou de frères, l'émotion la domina et elle fondit en larmes. « Ah ! » dit-elle en sortirant, « qu'il est doux d'être aimée ainsi !» En rentrant chez elle, elle trouva son salon rempli de tout ce que Venise avait alors d'hommes distingués. Cette soirée fut pour elle un véritable enchantement, quelque habituée qu'elle fût au triomphe. Elle était aimée. Cette conviction flattait son cœur plus encore peut-être que sa vanité. « Je suis aimée !» se disait-elle. Et sa tête se relevait avec orgueil. Elle regardait avec bienveillance tout ce qui l'entourait. Cette mer, ses vaisseaux, ses palais, toutes ces merveilles de Venise, tout lui était cher. Cette ville qu'il avait adoptée, dont elle était l'idole, elle l'aimait, car son cœur était non seulement noble et bon, à la Zerbi, mais son âme était faite pour comprendre et sentir les sentiments élevés. Le comte Emani était demeuré jusqu'à la fin du ballet. Il avait joui du triomphe de la jeune danseuse. C'était son bien à lui, cette femme, dont le nom seul causait un délire. En entendant ce nom répété par des milliers de voix avec l'accent de la louange, il lui paraissait entouré d'un nouveau prestige. Une actrice dont le talent assure les succès est peut-être la rivale la plus dangereuse qu'une femme puisse avoir. Comment balancer cet enivrement que partage celui qui en est témoin, et que d'ailleurs il ressent lui-même? Oui, je le répète, l'actrice qui est justement l'idole d'un public éclairé est la plus à redouter des rivales. Cependant, le comte ne parut pas chez la Zerbi avec toutes les autres personnes qui étaient à l'opéra. Zerbi, au milieu de son doux triomphe, ne le remarqua pas d'abord. Mais lorsqu'elle s'aperçut de son absence, elle se rappela l'altération de ses traits quelques jours avant, et elle devint rêveuse. À 4 heures du matin, le comte arriva. Ses traits paraissaient bouleversés. Il était évident qu'il lui était survenu quelque malheur. La jeune danseuse, encore tout émue de l'enchantement qu'elle avait produit, s'approcha du comte, et lui prenant la main, elle sut dissiper par quelques paroles d'amour les nuages amoncelés sur son front. Dans ce moment, tout en elle était si bien amour et bienveillance qu'elle ne pensait pas qu'on pût repousser un mot venant du cœur. Mais bientôt, elle s'aperçut que l'accablement du comte devait avoir une cause bien grave, et malheureusement, elle en devina le sujet. « Mon ami, vous avez encore joué ?» lui dit-elle. Il fit un signe affirmatif, mais sans parler. « Et combien avez-vous perdu ?» Il ne répondit pas. « Mon ami, répondez à votre sœur, si vous ne voulez pas avoir confiance en votre maîtresse. » Et elle lui pressait les mains dans les siennes, en attachant sur ses yeux le plus éloquent regard. « Emani, réponds-moi, » poursuivit-elle, en se mettant à genoux devant lui, sur un carreau qui était à ses pieds. « Eh bien, » répondit enfin le comte, « quand tu sauras que j'ai perdu 300 ducats, que t'importe ?» Et un soupir étouffé qu'il ne put dérober à l'oreille attentive de sa maîtresse fut la frapper au cœur. Elle sortit bientôt sous un prétexte, et faisant appeler le gondolier du comte, elle lui dit « Balthazar, sais-tu dans quelle maison ton maître a été après le spectacle ?»« Oui, madame, dans le casino, où nous trouvons toujours un grand officier français qui joue avec mon maître. Il passe ainsi des journées entières autour d'un tapis vert, et monsieur n'est pas heureux depuis quelque temps, il perd presque toujours. » Cet homme avait vu naître son maître et pouvait parler ainsi. « Combien a-t-il perdu ce soir, le sais-tu ? » ?»« Non, madame. » »« 10 ducats d'or pour toi si tu viens m'en informer dès qu'il fera jour. » Le palais Emani est situé sur le grand canal. La course était longue de la maison de la Zerbi. Les vitraux de la belle façade du palais, ouvrage de Sansovino, reflétaient déjà les blanches lueurs du matin lorsque le comte rentra dans sa demeure. Cependant, il ne paraissait pas disposé à prendre du repos. Il se promenait à grands pas dans sa vaste et magnifique bibliothèque, laissant par intervalles échapper quelques imprécations. Balthazar, en sa qualité de premier gondolier et d'homme de confiance, se permit de demeurer près du comte sans être appelé. « Monsieur veut-il souper ? » ?»« Non. » »« Monsieur va donc se coucher ? » ?»« Non. » »« Que veut donc, monsieur ?»« Écrire. Donne-moi ce qu'il me faut. » »« Monsieur aura joué, n'est-ce pas ?»« Oui. » »« Et il aura perdu ?»« Oui. » »« Monsieur n'avait pas beaucoup d'argent sur lui. » »« S'il voulait souper, il se coucherait ensuite, dormirait, et demain matin, à son lever, il n'y penserait plus. » »« Monsieur a toujours été si beau joueur. Je ne l'ai jamais vu ainsi abattu pour peu de choses. » « Peu de choses. » Et Emani porta la main à son front en laissant échapper une imprécation. « Peu de choses. 10 500 ducats. » Le gondolier laisse son maître écrivant. Il court chez la Zerbi, elle l'attendait et ne s'était pas couché. « Il a perdu 10 500 ducats, » dit le fidèle serviteur, « et il paraît désespéré. » Balthazar reçoit les 10 ducats promis et revient auprès de son maître. Emani avait écrit à ses amis, et dès que l'heure le lui permet, il court chez les gens d'affaires, mais partout les courses sont infructueuses. Les amis n'avaient pas d'argent. Les hommes d'affaires connaissent le mauvais état de sa fortune et ne veulent plus lui en prêter. Il rentre chez lui, méditant des projets sinistres. Ruiné, déshonoré. Il défend qu'on vienne le troubler et s'enferme dans la pièce la plus reculée de son palais. Il est désespéré. Sa tête est en feu, sa raison perdue. Dans ce moment, des pas se font entendre dans la salle voisine. On frappe à la porte. Il ne répond pas. On frappe encore. On l'appelle avec inquiétude. C'est la voix de Balthazar. « Monsieur, c'est une lettre et une boîte qu'on apporte pour vous. » Emani se décide à ouvrir. Il brise le cachet de la lettre et lit « Vous aurez confié à vos amis ce que vous m'avez caché. Tous vont venir à votre aide. Si j'arrive avant eux, la plus heureuse des femmes sera Zerbi. » La boîte contenait 10 500 ducats en or. La Zerbi, pour réaliser cette somme, avait ajouté à l'argent qu'elle avait chez elle la valeur de ses diamants, qu'elle avait mis en gage chez le juif Trévès. « Balthazar, la gondole, à l'instant !»« Où allons-nous, monsieur ?»« Chez Zerbi. » Zerbi ne s'était pas couchée. Elle était inquiète, malgré sa bonne action. Son convoi était-il arrivé à temps ? Elle redoutait un malheur. Malgré l'ardeur du soleil et cette heure inusitée à laquelle nul habitant de Venise ne se laisse apercevoir à son balcon, elle était sous la tente de soie qui abritait sa fenêtre, regardant au loin s'il ne venait pas un message qui la rassura. Une gondole vient de toute la vitesse du rameur. Elle tourne, elle vient du Grand Canal, elle aborde la Piazzetta. C'est Mani, qui monte rapidement chez Zerbi. Zerbi, voilà ton billet. Il sera le plus doux souvenir de ma vie, je le garde. Mais cet argent, Zerbi, je ne peux l'accepter. Zerbi recula de deux pas. Une vive rougeur couvrit son front. C'est-à-dire que vous refusez une amie, ou plutôt... Vous rougissez de moi, vous me méprisez. Moi, grand Dieu ! Et se jetant à ses pieds, il baisse ses mains avec délire, et cependant avec un respect qu'il n'avait jamais éprouvé pour aucune femme. Moi, te mépriser ? Non, non ! Mais si je ne puis recevoir cet argent de la Zerbi, je l'accepterai de la comtesse de Emani. Veux-tu ma main ? La Zerbi le regarda un moment avant de répondre. Êtes-vous décidé à ne pas accepter le service que j'ai le bonheur de pouvoir vous rendre ? À cette seule condition seulement. La jeune danseuse hésita encore un instant, puis, regardant le comte avec un de ses plus doux sourires, elle lui tendit la main. « Je suis à vous, » dit-elle, « disposez de moi. » Ils furent mariés le même soir dans la chapelle du palais du comte Emani par son aumônier et seulement en présence de quelques fidèles serviteurs. Le lendemain, à l'heure de l'Ave Maria, ils quittèrent Venise pour aller au château de Passeriano, dans le Frioul italien. Au moment où la gondole sortit du Grand Canal, la Zerbi éprouva un sentiment pénible. Elle jetait un œil attendri sur cette ville magique, dont elle était l'idole et qu'elle abandonnait. Elle regardait à travers un voile de larmes ces dômes étincelants des derniers feux du jour, ses clochers aigus, ses palais, ses monastères, tous ces objets disparaissant devant elle et fuyant à mesure que la barque s'éloignait rapidement. Bientôt elle ne vit que confusément cette Venise chérie dont l'amour l'entourait chaque jour de tant de bonheur. Il était donc vrai qu'elle avait quitté ce théâtre de la Fenice, lieu témoin de tant de triomphes, de ses applaudissements dont l'enivrait tout un peuple idolâtre de son talent et de sa beauté, et ses hommages d'une société élégante et spirituelle dont elle était l'âme, cette vie de liberté, d'amour, de galanterie qui s'écoulait dans les délices de la voluptueuse Venise. Il était donc vrai qu'elle avait tout quitté, tout. Zerbi eut un moment le cœur serré douloureusement. Son mari avait deviné ce qui se passait dans son âme par l'expression si mobile de son charmant visage. Il prit sa main et prononça doucement son nom. « Ah ! » dit-elle en se jetant dans ses bras et le serrant contre son cœur, comme pour lui demander pardon d'un regret. « Avec toi, je serai toujours heureuse. » Ils arrivèrent à Passeriano, ce lieu rendu fameux par un traité célèbre. Là commence pour la Zerbi une nouvelle vie dont il semblait que jamais elle ne fût sortie. Elle eut bientôt captivé l'entière confiance de son mari, qui ne lui cacha pas l'état presque désespéré dans lequel était sa fortune. Depuis quelques années, Sa conduite dissipée et légère l'avait rendu incapable d'occupations suivies et sérieuses. Ses affaires étaient dans l'état le plus déplorable, mais cependant pouvaient être rétablies s'il eût voulu s'en occuper avec assiduité. Mais arrivé à Passeriano, il écoutait sa femme lorsqu'elle parlait ou qu'elle chantait, entretenait quelques relations avec plusieurs propriétaires de son voisinage, chassait, aimait sa zerbie avec passion, mais de ses affaires il ne s'en occupait pas plus que si elles eussent été dans l'état le plus florissant. Zerbie secoua sa jolie tête. « Ce n'est pas ainsi qu'il faut faire, » dit-elle un jour à Emani, tandis qu'il était occupé à regarder un nouveau fusil qu'il venait de recevoir. « Il faut que l'un de nous deux se mêle de ces maudites affaires que tu as si bien laissées embrouiller. Tu ne le veux pas, il faut donc que ce soit moi. Donne-moi ta procuration, et je tâcherai de bien faire. » Emani embrassa la comtesse, lui donna toutes les signatures qu'elle voulut, et ne pensa pas plus que la veille qu'il devait donner ses soins à ses affaires, et en cela il n'était pas coupable, il était vénitien dans l'entière acception du mot. La comtesse, une fois investie de l'autorité nécessaire pour prendre connaissance de l'état exact des biens du comte Emani, prit en main la conduite de sa fortune, qui, pour être rétablie, car elle n'était pas détruite, ne demandait que des soins assidus et intelligents. Elle consacra cette œuvre importante toutes ses journées, tous ses moments. Pendant 3 années, elle n'en fut pas distraite un seul instant. L'homme de loi le plus habile de Padoue, ville où elle se rendait quelquefois pour ses affaires, était embarrassé souvent pour lui répondre, et ne savait qu'objecter à ses réflexions judicieuses. Le chef de famille le plus attentif, le plus économe, ne l'était pas plus qu'elle. On aurait pensé, en la voyant pour la première fois, que cette position avait toujours été celle de son choix. Tant de soins devaient avoir une récompense, ils l'obtinrent dans un succès complet. Un jour, la comtesse entra dans le cabinet de son mari. L'expression de sa jolie figure était douce mais grave. Elle tenait à la main un rouleau de papier qu'elle présenta au comte. C'était un état de tous ses biens libérés de toute dette, ainsi qu'une note de ses revenus, qui maintenant était redevenu suffisant pour soutenir convenablement l'état et le rang du neveu du dernier chef de la République. « Maintenant, lui dit-elle, vous pourrez être heureux, et vous pourrez l'être sans moi. Les 3 années qui viennent de s'écouler m'ont été douces parce que j'avais un but. Je lui ai consacré toutes mes facultés. Je l'ai atteint. À présent, il m'en faut un autre. Je ne puis le retrouver que dans cette vie que j'ai quittée. Depuis quelques mois, depuis que j'ai eu la certitude de réussir, le souvenir de cette vie de délices me poursuit et m'obsède. Dans mon sommeil, je rêve de la Fenice. Si je ne danse pas, je crois entendre au milieu de la nuit les applaudissements de cette foule qui m'aime, qui m'appelle. Je sens que j'ai besoin de retrouver cette ivresse que j'inspire et que je partage. Adieu. La comtesse Emani a fini son rôle. Celui de la Zerbie recommence. Je retourne à Venise. Je vais retrouver ce que j'ai perdu. Je serai tout ce que j'étais alors, puisque nous serons toujours amis. Emani croyait être sous la puissance d'un songe. Ce malheur qui cessait pour lui, mais aussi ce bonheur qui le quittait. Il fermait les yeux, les rouvrait, regardait Zerbie, qui, les yeux pleins de larmes et lui souriant doucement, lui disait adieu et parlait d'être heureuse en le quittant. Il comprit enfin qu'il n'avait rien fait pour cette âme ardente et généreuse, qu'il lui avait sacrifié toute une vie de délices. Que lui avait-il donné en échange? Un nom. Mais le sien était radieux de gloire. Était-ce donc pour ensevelir sa jeunesse, sa beauté, dans une existence ignorée et monotone qu'elle avait abandonné la belle et magnifique Venise? Emani le sentit, ou plutôt, il le comprit, mais trop tard. Toutes ses supplications, ses larmes même, furent infructueuses, et le lendemain, Zerbie quitta le château de Passeriano. On avait beaucoup parlé pendant 2 jours à Venise du départ du comte Emani, et pendant 1 mois, la disparition de la Zerbie avait vivement occupé toute la ville. Mais on pensa qu'elle était partie pour quelque contrée lointaine où la retenaient ses succès et les plaisirs. On songeait à elle dans les intervalles assez courts que laissaient alors les événements politiques qui occupaient fortement tous les esprits et permettaient difficilement de se rappeler le passé. Mais un soir, le bruit se répand sous les procuraciès que la Zerbie a été vue la veille au corso de Padoue. Le lendemain, les gondoles couvrent les canaux et les lagunes. Elles reviennent du rivage de terre à Firma, pressant, embarrassant dans sa marche une péote qui touche enfin au quai de la Piazzetta, là où débarquait jadis le Bucentaure dans ses jours de fête, lorsque, hôtel patriotique, il venait de célébrer l'hymen du Doge. Quelle est donc cette petite barque noire, n'ayant pas même le fer brillant des barques de Venise? Qui renferme-t-elle pour être ainsi entourée d'hommages et d'honneurs? Est-ce le conquérant qui vient visiter la plus noble, la plus belle de ses conquêtes? Non, c'est la Zerbie. C'est une danseuse. Le soir même, le théâtre de la Fenice la revit plus belle, plus adorée, et de nouveau l'heureuse Venise est à ses pieds. Ainsi s'achève la danseuse de Venise de la duchesse d'Abrantès.